Lucifer on the beat. Nouveau millionnaire. La petite sous le drap. Voilà. Ils vont rien faire, ça gérer ses couplets. Maintenant elle met des fleurs depuis que je suis bouqué. On fait un français fort et on fait un dollar. Les nouveaux propriétaires sont dans le coin. Poussez-vous, poussez-vous. Nouveaux millionnaires. Ils sont pas prêts. Trop peu de qualité. Faut paniquer. La sacoche est sous le bras. La sacoche est sous le bras. La petite est sous le bras. La petite est sous le bras. Nouveau millionnaire. Totalité. On n'est pas vacciné. Faut que les passes soient sanitaires. Conspiration. On va serrer cuit. Mission accomplie. On tue la grand-mère et bi. La petite a vu dedans. Vu dedans. C'était d'où j'ai bu dedans. Vu dedans. Les rappeurs ont mis dedans. J'ai croqué la vie. Je n'ai plus de nom. Plus de nom. Qu'est-ce que côte à la côte à la côte descendue. Tellement de fois ça fait disjoncter. On est méchant, c'est pas très gentil. Des billets j'encaisse. Nous j'suis dans la caisse. Emmène la vie dans rêve. Emmène la vie dans rêve. À ces nuits on baise. Mais jamais sans guêpe. T'es pas belle, tu restes. Tu ne monteras pas dans la caisse. Ils vont rien faire, ça gérer ses bouclés. Maintenant elle veut des fleurs depuis que j'suis bouqué. On fait un français fort et on fait un dollar. Les nouveaux propriétaires sont dans le coin. Poussez-vous, poussez-vous. Nouveaux millionnaires, ils sont pas prêts. Trop peu de qualité, sont paniqués. La sacoche est sous le bras. La sacoche est sous le bras. La petite est sous le bras. La petite est sous le bras. Je suis nouveau millionnaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a fini comme fil de fer. Je bois des jus sur les nerfs. Cristiano, à moi je pars, hein. Tu vois tout rouge. La douche, allez bien bouquer, il t'en a dit tout, devant, je sais qu'on est devant, devant, on a compris le business, les gens dehors, on est devant, devant, hey, je suis pas ton ami, ça fait des piges qu'on est là, position de Konami, là sur le côté, regarde la villa, des billets j'encaisse, la petite j'étais dans la caisse, on mène la vie dans rêve, on mène la vie dans rêve, à fini, on baise, mais jamais sans guerre, le vilain, tu restes, tu ne monteras pas dans la caisse. Nouveau millionnaire. Ils sont pas prêts, trop peu de qualité. Faut paniquer. La sacoche est sous le bras. La sacoche est sous le bras. La petite est sous le bras. La petite est sous le bras. Sous le bras, yeah. J'suis pas ton ami. Ça fait des piges qu'on est là. Position de Konami. Regarde la villa. J'suis pas ton ami. Ça fait des piges qu'on est là. Position de Konami. Regarde la villa.